Bon, premier sujet ce soir, parler ou se rappeler. On sait très bien que les bases de la réflexion, ce que l'ego se nourrit le plus dans la vie, c'est de sa mémoire. Donc, dans sa prime enfance, il est ni plus ni moins qu'éduqué. Et puis, quand à un moment donné, il passe à une vie semi-adulte, il est instruit. C'est sûr que ça commence de bonne heure, là. Mais l'instruction, c'est tout ce que vous apprenez à l'école, c'est tout ce que toutes les connaissances que vous allez chercher, même autodidacte. Et puis l'éducation, ben, c'est toutes les influences des valeurs familiales que vous avez à ni plus ni moins que capter dans votre vie. Et ça a une base qui se raccorde souvent à l'aspect génétique, l'ADN de vos parents. Et puis l'éducation, le système de valeurs, l'ADN, c'est tout un territoire ou un terrain sur lequel l'individu nourrit sa mémoire. Et conséquemment, ben, quand il arrive à l'étape de l'instruction, ben, il y a un mariage entre la vie privée, familiale, qui est dans tout le processus d'éducation, et puis son processus collectif, c'est-à-dire sa vie publique, qui va lui donner comme une sorte de soit confirmation ou infirmation de ce qui a été vécu dans l'éducation de sa structure familiale. J'inclus dans l'instruction, donc la vie publique, j'inclus beaucoup le côté influence collective, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, étant donné que les parents ont divorcé, ont été influencés par une deuxième famille, une troisième famille. Bien, l'éducation a été, je dirais, comment je dirais ça, trafiquée dans plusieurs systèmes de valeurs, ce qui donne une richesse dans un sens parce que ça permet à l'individu de se faire un point de vue sur des différences, des divergences même. Et dans l'instruction, bien, étant donné que c'est comme une base publique, une base de connaissance des lois, des règles, du mode de fonctionnement de la société, ben c'est plus fixe dans un sens, c'est varié, c'est sûr, c'est très large. Large comme exemple, Internet peut être large, mais c'est plus. Donc la personne peut piger dans les informations qu'il reçoit, piger quelque chose qui connecte à son éducation. Mais il y a quand même un facteur d'instruction qui vient se greffer à des développements de talents naturels ou de tendance à chercher des moyens de survivre dans la société, dire, bon, ben là, moi, si je fais ça, je suis sûr de faire un bon salaire, puis ces choses-là. Donc, la base de l'individu au niveau de sa mémoire est tout inclus là-dedans, l'éducation puis l'instruction. Et puis, conséquemment, ben, quand il parle, il va parler à partir d'un langage, une langue. Et cette langue-là est encore le produit d'une éducation. Bon, même s'il va chercher deux, trois, quatre langues, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à tellement d'éléments de développement DVD, développement cassette, développement avec des gens qui viennent de d'autres pays, bien, à ce moment-là, c'est plus facile pour l'individu d'aller chercher plusieurs langues. Mais pour parler, il faut une langue, puis donc il faut une structure, il faut quelque chose qui donne une mémoire. L'individu, évidemment, on le dit, c'est un ego. Donc, moi, j'aime beaucoup associer l'idée d'un ordinateur. Donc, tout ce qui est relié à un ordinateur, évidemment, le disque dur, l'écran, le clavier, papa. Et puis, il est lié à une programmation, donc un programme de vie, qui est évidemment, pour nous autres, plus sophistiqué que le strict fait d'un programme de computer, tu sais. On n'est pas venu au monde traitement de texte ou base de données. On a une infinie variété d'influences karmiques, d'influences de d'autres vies qui viennent se mêler là-dedans, dans l'ego. Et puis, l'ordinateur, avec l'expérience, il est neuf quand il vient au monde, mais il se nourrit d'une certaine mémoire par l'expérience qu'il peut accumuler avec son programme de vie. Et conséquemment, ben, si, disons, exemple, on va réduire ça à l'idée d'un traitement de texte, ben, dans tous les textes qu'il va composer avec son traitement de texte, puis tous les jeux qu'il va faire avec ça, ben, le programme va lui donner ou fournir un talent, ou plusieurs talents. Et ce talent-là est proportionnel à la sophistication du programme. Et plus le programme est Et sophistiqué pour l'environnement, ben plus il est impressionnant. Donc, la personne peut parler ou exprimer son talent dans la langue, évidemment, de sa mémoire, donc de sa culture, de son éducation avec sa famille. Et conséquemment, il va arriver à un résultat X qui va lui donner un salaire X, donc qui va lui permettre d'avoir des imprimantes plus sophistiquées, puis des choses. Si on continue de jouer avec l'image. Bon, conséquemment, ça, vous en avez déjà entendu parler, mais pour ceux qui écoutent un CD de moi, que c'est la première fois, ben, on se dit, bon, ben, il n'y a rien de nouveau dans tout ce que tu dis, man. Je n'ai pas l'impression que je peux dire quelque chose de nouveau là-dessus, mais je peux faire des parallèles comme quoi ton talent, il est strictement lié à ton programme. Fait que quand je regarde, exemple, la petite fille qui chante l'opéra, la petite Hollandaise, qui est réellement hors de l'ordinaire à 9 ans, là, elle a un talent qui est lié à son programme. Fait qu'elle a un programme, elle a un moment donné eu l'occasion d'être inspirée par quelque chose qui l'a impressionnée. Elle a développé, à partir de son programme de vie, un talent. Et puis là, le simple fait qu'elle est exposée à un public quelconque, avec son environnement, donc qu'est-ce qu'elle était capable de faire, donc de qu'est-ce qu'elle était capable de vibrer de par les cordes de son programme, bien là, elle a une reconnaissance. Et avec cette reconnaissance-là, bien, elle peut faire fortune, elle peut avoir une vie, elle peut avoir une vie publique, une vie sociale, une vie privée, qui va aller avec la notion de talent qui est connectée avec ça, et aussi connectée avec qu'est-ce qu'elle a à vivre dans sa vie de positif et de négatif pour renforcer ce talent-là. C'est simple, Adam. Ça, c'est ce qui vous fait parler. Fait que vous allez parler de vous ou de ce que vous vivez avec les gens, vous remarquerez ça. Vous allez le parler en fonction de qu'est-ce que votre mémoire se vit. Par contre, quand vous parlez, si ce n'est que de la mémoire, là, on va dire qu'avec les années, vous vous rappelez, en ce sens, que le rappel, ça devient une référence à la mémoire strictement. Donc, quand tu viens au monde, tu vas commencer à parler parce que c'est créatif, c'est nouveau. Ton esprit va se mettre là-dedans pour pousser la machine à une meilleure compréhension de toi-même. Et éventuellement, quand la mémoire va prendre le dessus sur ta vie, tu vas commencer, entre guillemets, à radoter. Donc, à vivre du rappel. Tu vas te rappeler. C'est pour ça qu'un jeune avec un autre jeune, il est plus sujet à engendrer ou à créer quelque chose qui sort de son esprit, ou donc qui va aller chercher dans son talent un gros point d'appui, que les vieux ragoûts de 60 ans qui commencent eux autres à tout le temps sur un rappel de qu'est-ce qu'ils étaient, puis de qu'est-ce qu'ils vivaient, puis de comment ils se sentaient, puis de comment ils vivaient leur vie avec d'autres, etc. Comme si c'était devenu une sorte de doctorat en soi. Conséquemment, le jour où l'être arrête de parler, il se rappelle. Mais quand vous êtes créatif dans votre enfance, vous vous inventez une vie à partir de ce qui est votre esprit. L'esprit, c'est le seul élément, on va dire, créatif ou inventif. OK? On va dire invention. Parce que même si ça a déjà été inventé, quand tu le découvres, c'est comme tu t'inventais. Fait que je pense à la petite fille qui chantait la petite Hollandaise. À 9 ans, elle s'invente. Maria Callas, elle se rappelle sa formation, son instruction, son éducation, les professeurs. Vous comprenez? Fait que les deux peuvent arriver à une performance similaire, mais il y en a une qui a un rappel de sa performance. Puis l'autre, elle, c'est carrément flambant neuf dans sa vie de pouvoir avoir un pitch de même. Bon. Ça veut dire que l'individu, de par le fait qu'il a de l'esprit, partage la mémoire avec sa créativité. C'est impossible d'être créatif sans avoir des bases. Donc, c'est sûr que vous devez passer par une période d'éducation et d'instruction pour en arriver à supporter la réalité de votre programmation, qui va vous permettre de vous inventer pendant un X temps. Fait que vous avez un goût d'apprendre, un goût d'essayer, qui est le plus longtemps possible à partir de votre esprit. Et vous avez une charge de la structure que vous avez, donc de tout ce qu'on vous impose d'apprendre, On vous impose dans une société, exemple, de vous véhiculer, donc vous êtes obligé d'apprendre à conduire, toutes ces choses. Au début, c'est drôle, c'est le fun, on veut rider n'importe où, on veut faire le tour du Canada, on veut faire le tour de l'Amérique, parce que c'est une invention. On s'invente un goût de vivre avec le véhicule. Puis jusqu'à un moment donné où, bon, on va au dépanneur, on prend le tour, on va dans une autre ville, on prend le tour, puis là, ça devient comme une routine. Quand ça devient une routine, conduire, ça devient un rappel. Vous vous rappelez qu'il faut tourner à droite, tourner à gauche. C'est habituellement là qu'on excelle. On excelle si on l'a vécu intensément. C'est là qu'on va dire qu'on est spécialisé, qu'on est fiable, dans un sens, parce qu'à cause de la répétition, vous vous rappelez tellement avec précision, exactitude et souvent avec certitude comment faire les choses. Et puis, vous avez souvent une reconnaissance à partir de la finalité de votre expérience. Donc, quand vous vous rappelez, c'est facile à communiquer parce que vous êtes souvent convaincu de ce que vous faites et souvent très certain, très stable dans votre certitude parce qu'il y a beaucoup d'expérience, puis il y a même, on acquiert une sagesse là-dedans. Mais la zone d'esprit, c'est la zone où on s'invente et conséquemment où on parle. On parle dans le vide de qu'est-ce qui est à découvrir. Vous avez une question, vous allez référer à votre mémoire. Votre mémoire n'est pas capable de solutionner la question. Il ne reste que l'esprit pour le résoudre. Et c'est là qu'on parle. Moi, j'avais des idées de comment j'étais pour faire cette conférence-là. Hein. Bien, ça a pris tout un autre track. Puis je dis pas en tout ce que j'ai pensé avant de partir. C'est con, hein? Fait que si on considère que je suis en train d'inventer ce que je parle, je peux dire que je parle. Mais si j'avais raconté ce que j'ai pensé toute la journée que j'étais pour parler, je me serais rappelé à partir de mémoire, d'une mémoire de vie, de conférencier, de consultant, je me serais rappelé le « qu'est-ce qu'il faut faire pour parler ». Puis je ne dis pas en tout, qu'est-ce que j'ai pensé après-midi. Donc, les forces se servent de moi pour parler. Mais je ne peux pas les faire à ma mémoire pour ça. C'est complètement l'inverse de ce que je pensais. OK? C'est intéressant. Conséquemment, si vous parlez, vous ne pouvez pas référer à votre mémoire ni aux émotions qui pourraient se raccorder à l'idée de parler. Donc, vous pouvez simplement être habité par une parole qui vont inventer, littéralement inventer, une solution à un questionnement que la mémoire n'est pas capable de résoudre. Donc, il y a des fois, on se dit, j'aimerais ça pouvoir me rappeler où est-ce que j'ai mis ça. Je suis dans la maison des fois, moi là, je dis, mon Dieu, j'ai perdu mon portefeuille. C'est violent ça là quand tu es chez vous, puis tu as perdu ton portefeuille. Puis là, tu fais le tour de la maison, et puis tu t'en rappelles pas. Tu peux référer tant que tu veux à des flashs que tu as eus la dernière fois que tu t'en es servi, OK? Tu t'en rappelles pas. Là, tu commences à avoir des sueurs, j'ai peut-être oublié ça au restaurant. Ah, tabarnouche, là, man, hey, les chances que tu le retrouves sont pas fortes. Là, c'est violent, là, très violent. Ça m'arrive souvent, là, ce temps-là, surtout quand je le mets dans cette poche-là, je suis obligé de monter le zipper, restaurant. Et puis, là, je dis, bon, OK, ma gang de cons. Là, quand je parle de ma gang de cons, moi, je parle à l'esprit, à ma source, là, tu sais. Fait qu'on n'est pas trop poli entre nous deux, là. Et puis là, je dis, écoute, le clown, là, ce que tu me fais vivre là, c'est pas particulièrement bon pour ma structure mentale puis mon équilibre de vie. On s'entend-tu, là? Ça dépasse perdre un chat, ça, là, ton affaire, là. C'est bien de la paperasse, bien du papier, bien attendre que, puis... tu t'envoies sa route, tu te fais pogner, tu n'as plus de papier, là, c'est violent. Fait que, il dit, va voir à côté de ton char. Et c'est impossible, ça, là, à côté de mon char. Ça veut dire que quand j'ai débarqué, mon portefeuille a tombé. Non, il dit, fais pas de déduction, va à côté de ton char. Ouais, je m'en vais à côté de mon char. Il dit, rouvre la porte. Je dis, t'es quand même pas pour me faire une raide. Dis-moi donc où est-ce qu'il est, Chris, ça va être bien moins compliqué. Puis là, non, il dit, rouvre ta porte. Ouais, je rouvre ma porte, mais je suis habitué d'obéir, tu sais. Fait que je rouvre ma porte, il dit, garde entre tes deux sièges. Tu n'y es tu, je ne peux pas avoir échappé ça là. Je regarde avec une flashlight. Ben oui. Hey! Hein? On s'entend-tu? Mais si je cherche à me rappeler, je ne peux pas me rappeler que ça a tombé tout seul, cette affaire-là. Ce n'est pas enregistré dans ma mémoire. Eux autres me disent, fais ça, fais ça, fais ça. Il est là. Sais-tu que tu peux aller aux toilettes relax, hein? Sans ça, tu constipes. Fait que parler, la relation avec l'esprit, c'est l'ultime façon de vivre. Vous inventez votre vie à partir de votre source. Ce n'est pas que vous soyez conscient à l'âge de 7 ans ou de 8 ans que vous avez de l'esprit, là. La game n'est pas là, là. Ce n'est pas important de savoir que tu as de l'esprit. Ce qui est important, c'est de reconnaître qu'il y a des façons de vivre qui ne sont pas apprises. Vous me suivez? Donc, que ta référence à la mémoire, quand tu es au monde, là, tu n'as pas de référence à ta grosse mémoire, là, tu sais. L'ambiance mentale de la mémoire, c'est un processus d'absorption quasi constant d'impressions pendant des longues années. Et conséquemment, le rappel, il est conditionnel à ce que tu as comme programme de vie qui va t'emmener là, là, là, avec telle personne, puis avec telle influence, puis tel son de voix, puis telle texture. Puis là, tu enregistres ça, mais c'est encore lié à une programmation. T'sais, tous les enfants n'ont pas eu les mêmes conditions de vie familiale. Il y en a qui n'ont même pas eu de parents. Puis ils n'ont pas nécessairement le même physique non plus. T'sais, un bébé de 18 livres, un bébé de 6 livres ou 7 livres, ça ne vit pas les mêmes relations avec la gravité qu'un par rapport à l'autre. Non, mais sérieux, tu tombes à 18 livres en bas de ta poussette, puis tu tombes avec 6 livres en bas de la poussette, ça ne fait pas le même baume à terre, puis tu t'en rappelles de ça. Fait que la dimension éducation, instruction est absolument impossible à éviter. Mais votre esprit a dicté à votre corps une ligne de conduite, puis un programme. C'est l'esprit qui a choisi le programme dans votre corps. Conséquemment, quand vous avez absorbé ça, c'est pas le temps de vous dire que vous avez un double. J'ai essayé avec mon gars à 5 ans de le faire parler sur le contact. Puis savez-vous ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, papa, je ne peux pas parler comme ça plus que 10 minutes, mon corps n'est pas assez fort pour prendre l'électricité. Il était sur le contact en maudit pour me dire ça. Mais là, je l'ai là. Là, la switch s'est fermée, puis là, il était un enfant de 5 ans. Mais ça prouve une chose. Pour moi, en tout cas, ça a prouvé une chose. C'est que le double est là à ta naissance, il est là tout le temps. Puis à un moment donné, tu peux en prendre conscience quand tu as fini de te faire conditionner ou quand tu as suffisamment de conditionnement dû à l'éducation et à l'instruction pour être capable de te réinventer à partir du début. Parce que tu t'es inventé quand tu étais jeune. T'sais? Tu t'es donné la chance de t'exposer à différentes impressions. Tu en as recherché des impressions. Puis il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres. Tu vas prendre des petits gars à l'école, puis ils vivent tous dans la même école, mais ils ne sont pas impressionnés de la même façon de ce qu'ils vivent à la maison versus l'école, donc l'influence publique. Donc, ils vont parler beaucoup dans le vide. Ils vont parler de ce qu'ils voient à TV, ils vont parler du dernier jeu Nintendo qu'ils vivent. Ils vont parler un langage qui vont surtout leur permettre de se reconnaître mutuellement, de se mesurer. Puis éventuellement, il y a une saturation dans la mémoire. Je ne vous dis pas que la saturation se prend vite, parce que tu peux être saturé parce que tu as rempli un disque dur, mettons à 17 ans, tu as rempli un disque dur, puis là, tu t'achètes un disque dur plus gros. Tu commences avec un 40 gigs, puis rendu à 30 ans, tu es peut-être rendu avec un 2 téraoctets. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, allez dans le dictionnaire, supposé être à date. Puis tu vas parler avec ce que tu as sur le disque dur, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu te dises, bon, ben là, j'ai plus de recettes, puis j'ai plus rien dans le disque dur, puis mon disque dur est plein. Puis là, il te reste Internet. Internet, c'est l'esprit. C'est l'infini. C'est le pouvoir d'une connaissance infinie. De réseauter avec des gens qui vont dire, ben, va fouiller dans ce coin-là, là, tu vas le trouver, ou tu sais, qui vont te donner une réponse parce qu'ils l'ont. Là, à partir de là, on peut dire que si on prend le parallèle que je fais avec le computer, on peut dire que aujourd'hui, une personne ne pourrait pas penser tout mettre sur le disque dur. Il sait que sa mémoire ne pourra pas accumuler tout ce qu'il peut avoir sur Internet. Ça, c'est acquis, là, tu sais. Conséquemment, là, tu vas dire, ouais, si moi, je n'ai pas un rapport avec l'esprit, je vais avoir une limite à m'inventer. Je vais suivre les standards de la vie publique, les standards de la vie privée, avec ma mémoire, qui est suffisante pour pouvoir me faire vivre. Et puis là, conditionné par l'idée que le plus important dans la vie, c'est de survivre, Donc, si tu réussis à dire avec ma mémoire, moi, je peux survivre. Si je sais taper avec un marteau, faire de la sirène, faire ci, faire ça, je fais un salaire de 1 000 $ par semaine, la vie est belle. J'ai plus besoin de m'éduquer plus que ça. Peut-être, mais tu vas arriver devant des problèmes à un moment donné que ta mémoire ne pourra pas résoudre. Puis là, tu vas avoir besoin d'un petit plus. Tu vas aller fouiller dans les diseux de tes chums. Ils vont dire, excuse, je voudrais bien t'aider, mais je ne suis pas capable. As-tu essayé ça? As-tu essayé ça? Ouais, je ne veux pas essayer, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Puis là, les gens vont se parler entre eux autres, mais ils vont plutôt se rappeler entre eux autres qu'est-ce qu'ils étaient, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis comment est-ce que le mémoire s'est structuré pour faire que ça. Ils ne rentrent pas dans les détails. Ils arrivent avec une sorte de résultat acquis. Tu sais, moi, je m'en vais rencontrer un gars qui est bon ses carabines, puis que j'ai dit, bon, écoute, moi, je ne veux pas savoir comment tu ajustes un télescope. Ajuste-moi le télescope que je puisse tirer avec, puis je vais comprendre dans l'ajustement qu'est-ce que tu as fait. Je vais avoir le résultat. Mais si le gars, il dit, ben écoute, je peux le faire, mais si tu veux vraiment comprendre, il faudrait que je t'explique comment ça marche. Là, il va me transférer de la mémoire. Ça va être du vidage de disque dur par fichier dans mon computer à moi. Puis si je tombe en état de saturation, puis que là, je ne pas, moi, je crache mon computer, je perds la boule, je perds ma mémoire, je vais toujours être obligé de référer à lui. Tandis que ce qui est merveilleux, c'est qu'il m'ajuste mon télescope, puis m'en fous de l'avoir appris. Il est ajusté, j'y touche plus, puis je m'arrange pour jouer avec les tourelles, puis la vie est belle. C'est paresseux, hein? Mais l'esprit, c'est un peu ça. Quand on y demande une question, puis on dit, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'est mon portefeuille, bien, il t'ajuste ton télescope. Tu n'as pas besoin d'apprendre à tourner ton télescope. Comment j'ai pu faire pour échapper mon portefeuille? C'est pas ça qui est important, c'est de le retrouver. Hein, on s'entend-tu? Fait que c'est plutôt comment j'ai fait sans savoir qu'il était tombé, comment j'ai fait pour le retrouver. Puis là, eux autres vont dire, ben, on t'a mis ça à traque, on t'a mis là où il fallait que tu sois pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses. C'est deux mondes, mais c'est deux mondes qui se complètent. Donc, pour être capable de vous inventer, de rentrer dans une réelle créativité, vous avez besoin de comprendre que ça vient de votre source. C'est à vous autres. Ça travaille avec votre mémoire. Ça travaille avec vos structures de vie. Ça ne vous empêchera pas. Puis des fois, ça va même vous obliger à aller apprendre d'autres choses pour mettre ça dans votre disque dur. Mais strictement au niveau des principes. Pas rentrer dans trop de détails. C'est comme si pour arriver à être capable d'aller en rapport avec l'esprit, faut surtout être des gens synthétiques, qui ont une vue d'ensemble. Et vous remarquerez que les gens qui vont aller sur le contact régulièrement, c'est des gens de principe, donc qui sont comme des GPS. Ils prennent ça, eux autres, comme en survol. Puis après ça, ils rentrent dans le détail. Tandis que la mémoire, elle apporte du détail, elle apporte de la structure. Elle va vous en apporter là, à outrance. Mais à un moment donné, c'est parce qu'elle donne trop d'importance à la reconnaissance de la structure, puis pas assez à l'aspect inventif génial de la source, qui, elle, peut se sortir de la structure pour aller la visiter de l'extérieur, puis après ça, rentrer dans la structure, puis dire, ben, il faut faire attention parce qu'à l'extérieur, là, on n'a pas les murs assez résistants pour prendre tel choc. Vous savez? C'est comme, il y a une capacité dans l'esprit d'analyser vos limites que vous n'avez pas, vous autres, de par l'intérieur. Parce que par l'intérieur, votre mémoire, c'est comme une certitude, c'est comme un acquis. C'est pas supposé avoir de faille. Mais c'est peut-être pas supposé avoir de faille dans la mémoire que tu as des expériences vécues passées, mais ça a peut-être une faille par rapport à des expériences futures à venir, que le GPS, l'esprit, lui, sait. Il sait que tu vas avoir à frapper un mur affectif, un mur ci, un mur ça. Et puis ça vient avec la sagesse, mais fuck, la sagesse, t'as pas, à l'âge de 20 ans, tu n'as pas 80, là. Tu as 20 ans, tu explores, tu es dans pleine découverte. Mais découverte, tu sais, je veux dire, pour un enfant de 8 ans, aller découvrir qu'il y a un ours dans le bois, maman, maman, j'ai vu un ours, ouais, rentre dans la maison, toi, là, tu sais, en voulant dire, écoute, c'est dangereux, là. Rencontrer un ours qui t'attaque pas, c'est drôle. Mais un ours, là, que tu as de l'air d'un lunch pour lui, là, oh, pélaï, c'est pas drôle, ça, là. Donc, quand tu réussis à parler, tu réussis à faire la synthèse de ta mémoire, donc ça s'appelle se rappeler, et éventuellement, parler, continuer à parler, ça devient comme inventer ton futur. Dire, bon, ben là, quand je parle, je vibre ça. Je me sens de même quand je parle de ça. C'est du nouveau. Tu sais, je vais me dire, exemple, ça serait-tu bon que j'apprenne à piloter un avion? En le disant, là, je vais le vibrer. Puis, si je commence à avoir du. Comme là, j'ai du trémolo dans la voix, ça veut dire non, il est trop tard. Pourtant, j'ai étudié, hein, pour faire un pilote. J'ai étudié le théorique. Mais je n'avais pas d'argent pour faire le pratique. Ça coûtait cher, là, piloter un avion. Mais je l'ai ça. Fait que quand, si je dis à 63 ans, tu étais aussi pauvre qu'avant, fait que tu ne pourras pas apprendre à piloter un avion. Ça coûte encore plus cher. Mais je peux le parler pour le vibrer, puis en le vibrant dans mes cordes vocales, dans ce que je vais sentir corporellement, je vais avoir la mesure de ce qui est ma réalité. Vous me suivez? Ça, c'est inventé. C'est comme ça qu'un enfant là, de 2-3 ans va brailler, crier, pour se sentir corporellement devant une situation ou un événement. Puis il va s'éduquer là-dedans. Un autre petit gars, une autre petite fille que devant, je sais pas moi, glisser. Oui, glisser en ski, j'ai toujours eu peur des chutes. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je fouille dans ma mémoire. Si tu parles, tu vibres, puis si tu vibres, tu peux avoir connexion avec ton esprit. Puis c'est là que tu peux t'inventer. Inventer, ça veut dire te donner un futur différent de ta mémoire. C'est ça que ça veut dire, s'inventer. Ça veut dire, bon, ben, dans la société, il y a telle, telle chose. Puis le gars qui t'invente de quoi, il améliore ta vie qu'on ne connaissait pas avant. Tu sais, on a inventé le fax, puis tout le monde était sur le fax. Puis à un moment donné, on a inventé Internet. Après ça, YouTube, puis après ça, Facebook, Twitter. Puis là, tout le monde parle de Facebook, Twitter. Et puis, c'est tous des gens qui ont parlé quelque chose, puis que ça a fini par descendre dans les comportements humains, puis ça a été adopté. OK? Et ça, c'est l'esprit qui crée ça, cette invention-là. La créativité part toute de l'esprit. L'exécution, ça réfère plus à la mémoire et plus au rappel. Tu te rappelles ce qu'il faut faire. Donc, tu as comme une procédure, une démarche, une ligne de conduite à faire et à prendre, et ça te permet de rentrer dans une procédure. Donc, se rappeler, c'est ce qui équilibre notre société en permettant à des choses d'être apprises, mais donc déjà créées et reconnues. C'est important, ce point-là. Ça ne veut pas dire que pas être conscient de son esprit, on ne peut pas vivre. Non. Ça veut dire que pas avoir de mémoire, tu es un méchant légume. Donc, il te faut une mémoire. Il faut que tu aies une mémoire qui réfère à quelque chose de reconnu, ce qu'on appelle l'instruction. Puis il faut que dans cette reconnaissance-là, cette mémoire-là puisse vous faire vivre mécaniquement. Tu sais, il faut que tu ailles dans une zone qui est reconnue. C'est plus facile pour moi de parler d'astrologie aux gens parce qu'aujourd'hui, c'est plus reconnu que dans le temps que je commençais puis que le monde ne savait même pas c'était quoi être scorpion ou lion, ces affaires-là. Aujourd'hui, les gens ont toute une idée de ça. Fait que pour moi, ça serait plus facile aujourd'hui de revenir à l'astrologie dans le temps. Et de bénéficier de toute l'expérience que j'ai eue, que d'être encore le clown là, qui est dans un futur quelconque pour parler d'exemple de supramental. T'sais. On parle d'astrologie, ça m'a pris au moins 7-8 ans avant d'avoir une certaine reconnaissance. Puis là, ça a l'air que le supramental, ça va me prendre 7-8 vies avant d'avoir de la reconnaissance. Fait qu'on va perdre la mémoire souvent, puis on va revenir avec un nouveau challenge, puis ces choses-là. Fait que je ne suis pas raisonnable. Disons. En voulant dire, je me base trop sur l'esprit puis pas assez sur la mémoire. Vous me suivez? Donc, c'est important d'avoir de la mémoire pour parler dans un temps où on crée cette mémoire-là. Donc, tu sais, quand je rentre dans une carabine, il faut que je le parle avec du monde pour voir c'est quoi ma destinée là-dedans. Chaque individu, dans sa programmation, peut parler quelque chose de déjà acquis dans la société, de déjà enregistré dans la mémoire collective, et puis le transformer, le réinventer. Il y a des gens qui ont réinventé l'utilisation de la communication. Le gars qui s'est rentré avec Facebook, puis toutes ces choses-là, il a réinventé une façon de communiquer. Twitter, la même chose. T'sais. Fait que ça, c'est un point important. Sur un autre volet, si l'esprit, c'est l'élément qui nous fait utiliser notre mémoire à bon escient, j'ai souvent donné comme image que quand on était pris par l'astral, donc la mémoire, conséquemment, c'est un peu comme si ça, c'est notre cheval. T'sais. On se donne un cheval à notre naissance en vivant de l'éducation et de l'instruction. Et il ne faut pas que dans le temps, un individu, le cheval, il monte ses épaules. Bon, l'image est assez claire que c'est tellement pesant un cheval qu'on se dit « Non, non, faites-en pas, je ne veux pas avoir de cheval ses épaules. » Le seul problème, c'est que le cheval, il peut devenir tellement puissant. Tu sais, tu as étudié en loi, tu as étudié en construction, tu as étudié dans différents secteurs. Et puis éventuellement, ce que tu as appris devient plus gros que ta créativité. C'est comme, bon, tu es capable de vivre, tu n'as pas de drame dans ta vie, tu te causes. Où tu te causes? Tu te causes en mémoire. C'est la mémoire qui te cause. Un couple, ça va bien, le gars il baisse bien, il est responsable, il s'occupe des enfants. Tu ne penseras jamais au divorce de ta vie. C'est un non-sens, ça va bien. Donc, tu as une lecture de l'environnement que quand les gens ont des problèmes de couple, tu comprends pas. C'est comme, voyons, c'est quoi votre affaire, là? Vous avez juste à vous aimer, tu sais? That's it. Il y a une limitation, puis là, le cheval en bas sur tes épaules. Là, tu n'as plus de jugement. Tu n'as plus de capacité de te faire le point sur un environnement qui est en mutation. Donc, tu fixes dans ta sécurité, tu fixes une sécurité et tu deviens un vieux crouton. T'as un rapport avec ton environnement qui devient statutaire. On va dire, bon, ben là, nous autres, on se rencontre en groupe d'amis, puis la vie s'arrête là. Fait que, à partir de là, t'es coupé de ton esprit. C'est pas que ton esprit n'est pas là, parce que si t'as pas d'esprit, tu crèves, là. C'est ça qui te garde en vie. Mais ton esprit vient de plafonner. Donc, ça veut dire que pour inventer, il faut être déstabilisé. Moi, j'étais le gars qui visait à avoir une structure de couple, style qui dure 100 ans. Là. Et puis, pouf, à un moment donné, je sais pas, il y a eu des variantes. Il y a eu un météorite qui a tombé sur la planète. C'est une joke là, que je fais, mais quand même. Et puis, ça a changé les humeurs de moi, de ma femme. Je ne pensais pas avoir à travailler autant. Pourtant, j'ai travaillé comme mon père. Mon père a gardé sa femme, excepté qu'elle dominait. Là, fait que moi, j'étais capable de dominer la mienne. Donc, la chimie n'était pas bonne. Tu sais. T'es pas bonne pour rester stable. Elle est excellente pour me réinventer. Fait, je me suis réinventé avec l'esprit jusqu'à découvrir la notion de couple virtuel. Il y a peut-être d'autres choses. Tu sais, genre, tu te mets avec un extraterrestre puis tu avoues une fois par 100 ans, là, mais je ne suis pas rendu là. Excusez-moi, là, tu sais, je ne peux pas aller plus loin que mes propres ressources. Mais l'esprit se sert des failles dans vos programmations pour vous faire avancer. Donc, il faut qu'il vous déstabilise. Votre mémoire travaille à vous stabiliser, travaille à vous faire vivre une impression de certitude basée sur la répétition. Tu répètes quelque chose, puis à un moment donné, tu es sûr que tu apprends un sport, tu répètes, tu pratiques, tu répètes, puis éventuellement, tu es sûr de. Peu importe le niveau de difficulté du sport ou de l'activité que vous faites, c'est l'effet de pratique et de répétition qui fait que ça vous donne une certitude. Mais l'esprit, à part de vous garder en vie, il ne vous voit pas avancer. Pour vous voir avancer, il faut qu'il vous trouve une faille. Ou qui, si vous n'en avez pas, vous êtes des êtres parfaits, il vous en crée une, par un événement quelconque. C'est genre, la foudre tombe, mais ça donne que c'est sur ta maison dans le quartier. Conséquemment, si l'esprit fait ça, c'est parce qu'il veut que tu comprennes quelque chose. Peu importe ce que tu as à comprendre. Parce qu'il y a des affaires comme ça, c'est léger. Mais il y a des affaires que, Chris, tu n'es pas capable de voir comment tu vas t'en sortir. Si c'est le Saint-Esprit là, qui t'a mis dans le mal, c'est peut-être aussi le Saint-Esprit qu'il faut qu'il t'en sorte. Hein? Moi, personnellement, quand je commence à vouloir jaser avec eux autres, c'est parce que je ne comprends plus ma vie. Là. Je vous dis, écoutez, là, j'ai un chat, là, il est supposé revenir à telle heure, puis là, il n'est pas revenu. L'avez-vous fait une date avec lui, puis lui, puis un coyote? Lui, puis un loup? Lui, puis un pécan? Tu sais, je vous dis, j'étais obligé de me réinventer une certitude, parce qu'on s'entend que aimer quelque chose, c'est aussi le voir à distance menacé par d'autres choses que l'amour de l'univers. Tu sais. Quand vous êtes placé dans une déstabilisation, dites tout le temps, Daniel, il nous a dit que c'était merveilleux. OK? Pourquoi? Parce que vous avez enfin la chance de prendre contact avec votre source. Puis votre source, c'est la vie ou la mort. Donc, si vous ne mourrez pas cette journée-là, c'est parce qu'il vous accompagne. Puis si vous mourrez cette journée-là, c'est parce qu'il faut qu'il vous change de chemise, donc de corps. Hein? C'est une journée merveilleuse. Vous allez vivre un changement dans votre mode d'opération. On n'est pas habitué de vivre comme ça. On est habitué que, on paye notre loyer, on paye nos comptes. En tout cas, si vous autres, vous êtes lettres, vous êtes généralement chanceux. Moi, c'est toujours l'esprit. Puis l'esprit, c'est comme ça prend de la place. Ça veut que tu expandes. Ça veut pas que tu sois stable. Pensez pas que l'esprit est là pour vous protéger. Il n'est pas là pour vous attaquer, mais il est là pour vous déstabiliser suffisamment et assez longtemps pour que tu penses que la vie, c'est un changement perpétuel. Il veut que tu parles tout le temps. Il ne veut pas que tu te rappelles. Et c'est là que tu comprends que se rappeler, pour quelqu'un qui est en esprit, ça fait presque partie des mystères de l'univers. Comment ça se fait que je me rappelle de ça? Parce qu'il passe le temps à faire des choses qui m'obligent à repenser ma vie continuellement. Vous avez peur de l'esprit, hein? Vous avez peur de votre source. On le sent quand on essaie de vous faire parler avec votre source. Mais vous avez, si vouloir affronter le danger, venez me voir. Parce que vous venez prendre des risques, c'est de déstabiliser vos vies. C'est clair, c'est là. Vous êtes du monde à risque. À risque de vous faire parler. Vous pourriez bien plus aller voir des conférenciers qui vont vous rappeler comment faire les choses. Rappeler des recettes de cuisine. Rappeler ou vous éduquer sur des choses qui sont totalement nouvelles, mais totalement formelles. Et là, vous seriez instruit, éduqué, présentable. Là, essayez de parler, que ce n'est pas toi qui pense, à n'importe qui que vous rencontrez dans votre vie. Vous allez le mettre en état de choc, puis il va vous regarder pour vous passer à la camisole de force. Fait que vous prenez des risques à venir vous faire parler comme ça. Parce que même vous en... Même, ça, ils ne veulent pas, là. Même vous en rappeler, ça va être un tour de force. Souvent, on sort d'une conférence, je ne me rappelle plus de rien, moi, là. Tu sais, puis on dirait que c'est une irrigation colonique à chaque fois. En tout cas, c'est une irrigation du canal, ça, c'est clair et net. Donc, on est dans un univers où deux mondes qui ont besoin un de l'autre doivent converger l'un vers l'autre pour s'utiliser mutuellement. Et là, je parle de l'âme et de l'esprit, parce que l'esprit a besoin de l'âme pour vous faire véhiculer la vibration. Sinon, ça serait de la pure vibration. Mais il n'y aurait pas de matérialisation de cette vibration-là. Mais pour vous placer en situation d'invention de votre vie, de créativité, il est absolument obligé de vous sortir d'un petit peu de votre mémoire, vous en laissez juste assez pour vous garder de la structure, puis vous créez une situation d'instabilité émotionnelle, d'instabilité physique dans certains cas, pour que vous soyez capable de dépasser ce qui est normal. Il y a des gens que normal... c'est quelque chose qu'ils ont oublié par rapport à d'autres qui vivent dedans. Fait que moi, je regarde des gens qui vivent leur structure de vie aujourd'hui, puis pour eux autres, ils me parlent de 25$ de l'heure comme s'ils avaient fait l'ascension de l'Everest. Puis j'en entends un dans la même journée que lui, il a fait 300, 400 000 piastres un an, puis c'est pas mal plus cher que 25$ de l'heure, puis qu'il sait quoi faire avec ça, puis que... Et puis là, quand il vous place l'esprit en situation de déstabilisation, il vous demande d'être ouvert, mais de ne pas oublier votre structure. Tu sais, c'est style, reste conscient qu'il faut que tu conduises ton auto, puis qu'il faut que tu aies ta mémoire pour conduire ton véhicule, mais on veut t'emmener là. Il faut que ça travaille ensemble, ces affaires-là. Là. Vous me suivez? Donc, quand vous êtes sur le contact, vous n'abandonnez pas votre structure mémorielle. Vous l'utilisez au maximum, dans un contexte qui n'est pas habituel. C'est juste ça qui change. Merveilleux, quand vous savez ça. Mais il y a tellement de gens qui ont peur de perdre la mémoire ou de perdre les avantages de leur structure s'ils sont sur le contact, et qu'on ne veut pas se faire déstabiliser. Pourtant, quand on se fait déstabiliser, ouh, là, il faut parler. Là, il faut trouver quelqu'un à qui on va inventer notre vie, là, tu sais. Ah, si j'essayais ça, si je faisais ça, qu'est-ce que tu en penses? Puis l'autre, il ne pense à rien. Puis, ouais, continue de ne pas penser. Ça, il dit, qu'est-ce que tu penses? Ben, je pense à rien. C'est tes vies, tu sais. Organise-toi avec, câlisse. Puis là, on dit, ben écoute, c'est ma chum, là. Tu es supposé me rendre service. Ouais, mais je peux pas te rendre service. Je peux pas te trouver un gars à ta place, là, tu sais. Puis, non, mais je voulais ça savoir si à cause de quoi j'ai perdu l'autre. Puis, ça serait comment je pourrais trouver. Fais-donc confiance. Ouais, c'est facile à dire, ça. Fais-donc confiance. Mais tu as de la misère de faire confiance par rapport au futur. C'est jamais par rapport au passé. Donc, quand tu es rendu à inventer ta vie, fait que la dynamique de l'invention de ces vies, c'est tout là que vous allez voir l'esprit. C'est tout là que votre vie, tu sais, quand on dit ma vie n'a pas de sens, bien, elle n'a pas de sens parce que tu es toujours dans un rappel. C'est du déjà mâché, c'est du déjà vécu. Mais ta vie prend un sens dans la nouveauté. Dans quelque chose que tu n'as jamais exploré, que tu n'as jamais essayé, là, c'est comme tel. Pourtant, la société vous en fournit des bébelles. Mais c'est parce que la bébelle, si tu ne vibres pas, tu ne l'utiliseras pas. C'est l'esprit qui doit se marier dans l'âme pour rendre l'âme plus créative, plus dynamique. Pourquoi vous pensez que l'astral essaye de vous chevaucher continuellement? C'est parce qu'ils sont morts. Vous déjà pensez qu'un mort, ça n'avance plus? Tu tues quelqu'un et tu te dis, ah ouais, il grouille. Il n'y a plus rien à faire, là. Il est sorti de son corps, ça, là. Fait que l'âme, là, elle cherche à être dans vos vies parce que vous pouvez faire quelque chose qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Tu vas prendre n'importe qui de vous autres, là, puis je fais parler à une entité qui vous collecte comme l'impôt. Puis je lui pose tout le temps la question. Ben là, tu sais, il dit, demande-leur le contrat qui se sont faits entre ces deux âmes-là. L'âme que toi, tu as, là, ton propre programme, puis le programme de l'autre qui est mort. Là. Tu sais, mettons que Alexine avec sa mère, son contrat n'est pas fini, là. Ça va en rêver. Faire parler l'identité pour vous autres, si vous inventez. Parce que pour vous autres, une entité, c'est des petites fumées, c'est des petits bonhommes verts, c'est tout ça le bebel. Non, c'est des ambiances. L'intelligence, là, c'est pas du monde, hein? L'intelligence, là, c'est comme un parfum, là, tu sais. Ça sent intelligent ou ça sent le pet. Quand ça sent le pet, c'est habituellement, c'est du déjà mangé. Que tu es en train de chier. Mais quand ça sent la rose, là, tu sais, quelque chose de neuf, là, sans frais, là, sans pas de pipitcha, là tu es rendu dans les zones d'esprit ou d'entité dans les hautes sphères spirituelles. Parler, c'est vibrer. Parler, c'est changer des structures mémorielles. Parler, c'est aller travailler avec la mémoire de gens qui ont vécu dans d'autres époques, dans d'autres situations, dans d'autres événements et qui ne savent plus comment continuer à évoluer. Parce que même si tu lui dis, il faut que tu te réincarnes, ben beau, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Vous me suivez jusque-là? Là, il faut que vous autres, vous soyez capables d'inventer quelque chose ou de parler quelque chose qui est assez puissamment vibrant pour leur envoyer assez de lumière sur leur plan pour qu'ils aient le goût de se réincarner. Parce que les autres entités dans le monde spirituel ne veulent plus s'incarner. Ils pensent, eux autres, qu'ils ont la science totale, finale, absolue. Et puis, il y a tellement de choses que l'esprit peut lui montrer, parce que d'une planète à l'autre, ça change, hein, on s'entend. Fait que, moi, quand je vous dis, exemple, allez écouter le film Atlantis, là, je brasse vos entités en maudit, parce qu'il y a beaucoup de créativité dans cette série-là, là. Des fois, c'est sûr que c'est du cow-boy, là, c'est les races contre les humains, puis c'est à qui ce qui se mangerait, là. Considérez que ça, c'est pas les bouts créatifs, mais les bouts créatifs, c'est dans toutes les ambiances dans lesquelles vous mettez. Moi, le plus que j'ai aimé, là, c'était celle qui avait 10 000 ans, là, puis qui était rendue du pur esprit, là. Ça, c'était bien intéressant. Parce que c'est ça l'aboutissement du corps humain, là. C'est l'aboutissement dans un corps de lumière. T'sais. Bernard, il appelait ça le corps moronciel. Le corps moronciel, c'est de la pure énergie, là. Vous êtes plus dans du. Il n'y a plus de viande là-dedans, là. Ça fait que ça devient intéressant. Je vais vous demander de poser des questions, puis d'être capable de parler. Donc, d'être créatif. Ça ne me surprend pas, parce que c'est toi qui essaie de m'aider. Parle fort, parce que là, j'ai de la misère avec mes choses. Je suis obligé de booster tes questions, là, si mes OK. Cette semaine, Parle-moi pas de ta vie, s'il vous plaît. Okay? La question, c'est quand tu te rappelles, c'est quoi la. Il y a comme une dose d'énergie qui va avec ça. Quand tu parles, il y a une autre dose d'énergie. Tu sais, ce que tu disais du renvoyer. Quand tu te rappelles, ça ne vit pas en dedans. Tu peux-tu expliquer ça? Ben, c'est le rappel, pour moi, c'est de la structure. Tu as absorbé des influences, des impressions. Et puis, il y a une période de ta vie où il faut que tu structures ce que tu as absorbé. Tu sais, tu vas tirer du gun. Tu sais, on pourrait dire, pourquoi tu veux tirer du gun? Tu veux faire la SMAT, tu n'as pas d'argent, puis tu veux faire les dépanneurs, c'est ça la game? Ou bien, c'est par pur sport, puis ça. Mais tu sais, ça peut être bien des éléments qui peuvent être enfouis dans des comportements subliminaux, prochain sujet. Le subliminal de ta vie peut t'amener à vouloir ça parce que tu vis beaucoup d'insécurité, puis etc., etc. Mais le comment tu fouilles là-dedans, c'est de le parler. Tu parles une situation, et puis tu peux apprendre sur ce que tu vis, tu peux apprendre sur ce que tu sens, sur ce que tu es, et puis sur les conséquences. Mais se rappeler, c'est de la structure. Quand tu te rappelles, en général, tu te rappelles une mémoire qui est une structure. Ça peut être un blocage aussi. Là où il y avait un mur qui était nécessaire à 14 ans, peut-être que là, ce mur-là, faut que tu l'enlèves de ta construction, tu l'enlèves de ta vie. Mais là, tu sais, souvent, tu es tellement habitué de voir le mur qu'à un moment donné, tu ne penses plus à l'éliminer. Puis là, les forces te mettent en situation de choc pour que tu ailles éliminer cet obstacle-là, cette situation de mur-là. Question. Est-ce que parler, c'est poser des questions à l'esprit? Si, ouais, ça peut être une étape, mais absolument l'événement, c'est la question. C'est pas de poser des questions comme, c'est sûr que poser des questions, ça suscite une réponse, mais moi, personnellement, j'aime mieux un événement comme question que de me poser des questions. C'est un chat qui est parti et qui ne revient pas, pour moi, c'est un événement. Mais je vais me poser une question à partir d'un événement, mais je me chercherai pas des questions pour alimenter ma curiosité, là, dans ce sens-là. Là. Question. Tantôt, tu as dit que l'esprit permettait qu'il y ait plusieurs âmes ou plusieurs entités qui nous chevauchent. Je me dis permet. Mais quelqu'un qui est dans les médicaments, les drogues ou des impressions très fortes peut avoir 2, 3, 4, 5. J'ai déjà vu quelqu'un qui était près de 9 entités, moi, là, qui était sur le crack, puis le. Tout ce qui était les drogues, là, puis il y avait toutes sortes de noms qui sortaient. Puis c'est plus difficile de ramener quelqu'un dans une cohérence dans ce temps-là, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup d'influence. Là. Les gens qui sont ces médicaments, l'alcool, puis les drogues, on va en avoir un paquet. La fin de l'évolution, l'apocalypse, c'est le retour du monde de la mémoire ancestrale par le biais du cinéma, puis 50 bubelles. À la vie quotidienne, tu sais, puis les gens, tu sors d'un film, là, le film que tu as tant aimé, là, le Grand Maître, là, le film de Hong Kong, là, il est en vidéo chez Vidéotron, là. Si tu veux le revoir, là, il est là, là. C'est bien du monde qui n'ont pas pu le voir, parce qu'il n'était pas dans le cinéma, mais là, ils l'ont mis ses tablettes, là. C'est le professeur, c'est Ip Man, là, le professeur de Bruce Lee. Toute son histoire, c'est une histoire vraie, dans le temps de la Chine, du gars Ip Man, qui était le professeur de Bruce Lee. C'est bien fait, ça. Les Chinois, ils font des beaux films. C'est ça, c'est qu'ils vous ramènent des mémoires puis vous les remettent dans la face. Quand tu écoutes un film comme celui-là, là, qui n'est pas fait à la Hollywood, là, qui est vraiment différent comme cinéma, le cinéma chinois, c'est très romantique. Tu es dans un autre monde. Quand tu arrêtes ce film-là, là, tu ne rentres pas sur un deuxième. J'avais Le Protecteur avec Jason Statham. Là. J'ai été prendre un café chez Tim Hortons. Je suis revenu pour changer de bouillon, parce que j'étais pris dans cette ambiance-là là, qui était tellement différente des films américains. C'est ça de l'astral, tu sais, c'est des climats, c'est des ambiances, c'est pas juste des personnages, c'est des ambiances qu'un très bon réalisateur est capable de te faire vivre, comme l'astral est capable de te faire vivre les choses. Quand tu parles, tu vibres, c'est toi qui es au-dessus du cheval, c'est pas le cheval qui est au-dessus de toi. Mais moi, dans le film, quand j'ai fini, j'écoutais ça. J'avais le cheval sur ses épaules. J'étais chez Tim Horton, question de remonter sur le cheval, pesant, beau du cheval, pour être capable de continuer à à vivre, là, tu sais, tu comprends-tu? Fait que, c'est ça. Fait que les gens qui sont pris avec beaucoup d'influence à caractère astral, ils sont confrontés à un monde qui est totalement subliminal, ce qui est mon deuxième sujet tout à l'heure, un peu de break. Fait que le monde subliminal, c'est un monde, c'est ce que les gens en psychologie appellent l'inconscient, là. L'inconscient collectif, l'inconscient personnel, tout ce qui a été ramassé, mais que ils ont ramassé une ambiance, mais ils ont juste retenu la forme, mais ils n'ont pas vu l'accent sur quoi c'était mis. Souvent, c'est l'ambiance que tu as, c'est la musique de fond d'un film qui t'a rentré dedans. Hey, aller au cinéma pour enlever le film, la musique dans un film, là. Aïe, ça ne sonnera pas pareil dans votre tête, là. Fait que c'est comme si le monde de l'astral, le monde de l'esprit, c'est comme de la musique de fond. Puis ça, c'est le caractère subliminal de Lévi, là, qui a beaucoup d'influence, qui a beaucoup d'impact sur vos axes, comme tel. Ça veut dire, si tu te remets dans un climat que tu as déjà vécu, que tu te rappelles ce climat-là, c'est le monde... Il appelle ça des déjà-vus. C'est des déjà-vus, c'est des tests. Ben, ça peut être un test, mais c'est un déjà-vu, c'est comme quelque chose que tu te rappelles. C'est un rappel de l'âme, c'est quelque chose que... C'est un fichier que tu trouves dans ton computer. Ou c'est une maison que tu fais du ménage, tu dis, ah, regardons ça, j'ai encore ça, cette affaire-là. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que d'être incarné, c'est de faire vivre ces ambiances à travers nous? J'ai manqué le début, excuse-moi. Est-ce que d'être incarné... Oui. Est-ce que c'est une notre fonction? Notre fonction, oui, c'est ça, merci, est de faire vivre ces ambiances, ces ambiances d'ailleurs. Là. Ta question a sous-tend oui. Qu'on se réincarne et puis qu'on continue à chercher à travers certaines ambiances qu'est-ce qui pouvait être une motivation dans une autre vie, puis qu'on n'a pas pu compléter, mais que dans cette vie-ci, parce qu'il y a des meilleures ressources, on est en mesure de le compléter. Tu sais, moi, j'ai été samouraï dans une autre vie, puis revenir aux armes, puis pas avoir personne me dicter une ligne de conduite dans l'utilisation de l'arme, puis de ramener ça au niveau juste de compétition, puis de précision. C'est plus léger que d'être samouraï puis d'être obligé de tuer pour un empereur quelconque, un envie de chier quelconque, puis tu sais, d'être confronté à l'autorité puis d'assumer ma propre autorité avec ou envers ou contre une autre autorité, c'est plus léger que de vivre une vie de samouraï au service d'eux. Tu comprends-tu? Donc, si dans une vie, j'ai été exposé à une limitation, puis que dans une autre vie, je m'affranchis de cette limitation-là, mais ça fait partie de mon programme de vie. Et puis, évidemment, je suis accompagné par ces êtres-là, là, tu sais, qu'on a fait équipe ensemble dans un temps X. Tu sais, j'ai ré-rencontré d'autres samouraïs de mon époque, de ce temps-là. Là. Et puis, on avait chacun nos combats à faire à l'époque. Avec des ambiances mentales différentes. Là. Okay. Puis après ça, ben, j'ai été d'autres choses. J'ai été médecin, puis Il y a du monde que j'ai rencontré dans le temps que j'étais en Espagne. Puis, si un jour vous êtes capable de questionner votre source sur les anciennes incarnations, ben, ça peut être drôle. Vous pouvez avoir du fun à voir où ce que vous êtes rendu par rapport à ça. Là. OK. Disons, comment dire, si tu veux, c'est comme être pris dans l'illusion de vouloir évoluer. C'est réellement une illusion. Je ne pense pas que c'est une illusion. Quand tu évolues, tu le sais que tu évolues. Non, mais quand tu veux égoïquement évoluer. Évoluer. Oh, quand tu veux égoïquement évoluer. C'est un piège. Oui. Je suis d'accord dans le sens spirituel du terme, mais c'est sûr qu'une personne qui veut évoluer, c'est parce qu'elle est placée dans une limitation qu'elle veut s'affranchir. T'sais, tu peux pas... C'est un indicateur. Ouais, tu sais, mais exemple, on pourrait dire les carabines, je suis rendu au bout de ce que j'ai la possibilité de faire. Mais de me mettre dans la tête d'aller tirer à Québec pour 600 verges, à Connaught pour 900 mètres, pour moi, c'est à évoluer. Que j'aie fini ça, puis que j'aie réussi à faire, je sais pas, une bonne dizaine de targets qui me donnent satisfaction, peut-être que je vais te vendre mes armes après, c'est possible. Mais je veux ça. Et je veux m'exposer à ça. Puis même s'il y a une initiation là-dedans, ça m'intéresse. Mais Et donc, je veux évoluer. Mais je veux évoluer comme n'importe quel gars qui est dans les sports, il va aller au bout de sa capacité. Je pourrais dire que le gars qui va avoir, comme mon frère, un million dans son compte, c'est vouloir évoluer dans le monde de la finance pour se donner la sécurité qui, lui, est une exigence dans sa vie. T'as un taureau sans la Capricorne, Chris. Tu peux pas lui demander à la lune. Il veut de la sécurité matérielle. Fait qu'il va se faire évoluer là-dedans en vendant les chaloupes, en vendant les moteurs, puis en vendant ci. Puis en disant, bien, j'y suis arrivé. Et je me suis donné une structure de vie de couple qui me permet d'avoir la stabilité pour pouvoir faire ça. Merveilleux pour lui. Mais moi, ça ne me fait pas évoluer, ça. Lui, oui. Donc, il n'y a pas de modèle d'évolution. Il y a une volonté d'arriver à une sorte de summum dans la vie. Bien, les femmes, que leur grand objectif de vie, c'est d'avoir un gars stable, qui peuvent avoir la garantie que le gars, il va être présent. Peut-être pas en amour tout le temps, mais présent. Pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à le temps qu'il meurt. Mais ça varie d'une personne à l'autre. Que, c'est quoi l'évolution? T'sais, pour moi, c'est impossible de ne pas vouloir évoluer, parce qu'on veut tout atteindre des objectifs dans la vie. Mais évoluer dans le sens conscience du thème, non, c'est pas à portée de tout le monde. Puis je pense que les gens veulent des choses qui sont à leur portée. Fait que si toi, t'avoir une stabilité matérielle, ça te fait arrêter de te développer parce que toi, tu dis, une fois que j'ai ça, pourquoi j'évoluerais? J'évoluerais pas pour le monde, ça m'intéresse pas. T'es pas social. OK, correct. Ton évolution arrête là. Ça veut pas dire qu'elle pourrait pas continuer, mais c'est parce que t'as fixé un point d'arrêt dans la volonté de vouloir faire quelque chose. Pour vouloir, Chris, faut que tu sois en vibration. Tu ne vibres pas, toi, l'évolution. Pourquoi? Parce que tu dis ça, c'est assez. Correct. Mais tu ne seras jamais conférencier non plus. Parce que tu n'as pas à cœur les autres. Tu as à cœur ta vie. Ça s'arrête à toi et ta femme. Point final. Il n'y a même pas d'enfant dans votre affaire. Fait que c'est sûr que ça peut arrêter vite. Mais vouloir évoluer, tu peux l'avoir pour ton travail. Tu dis, ben, j'aimerais ça me rendre là. Avant de mourir, m'avoir tant d'argent. Tiens, vouloir évoluer, c'est vouloir faire de la bourse. Vouloir faire de la bourse, c'est-tu quelque chose de plus instable que ça? Il m'a une claque de 2000 pièces là, moi, la semaine passée. C'est bon, je l'avais pas prévu, cette chute-là. Il dit, OK, correct. On va avoir un mois de mars que c'est zéro profit. Ça me fait évoluer. Parce qu'ils m'ont trouvé une faille dans ci, une faille dans ça. Puis à chaque fois, ben, je corrige. Ils peuvent te faire évoluer à travers ça. Là. Tu sais, tu as une vie de Capricorne. Ça peut pas être bien, bien compliqué. Là. Tu sais, ta stabilité est dérangée un petit peu. Ils vont te faire évoluer. Inquiète-toi pas. Mais peut-être pas sur le plan mental, parce que sur le plan mental, moi, je considère que tu n'as assez. Là, pour tes besoins personnels, tu n'as assez. Ça, c'est clair. Mais pour un besoin collectif, tu n'as pas assez encore. Moi, je pourrais te tourner la tarte pas mal souvent. Au niveau de l'évolution dont tu parles, Est-ce que ça fait partie de la programmation? En général, c'est marqué, mais il faut que tu le découvres. Il y a des limites dans ta programmation. Tu sais, un Capricorne... un Capricorne comme T, là, ça peut être bien basique, puis ça peut être très évolué. Puis un jour, il ne faut pas que tu oublies qu'il faut que tu te débarrasses de ta programmation. Le bout du bout du bout, c'est d'être n'importe quel signe. Hein? Bernard, il n'a pas fait tout dans l'évolution. Il en a fait assez pour que tout le monde parte dans son évolution. C'est ça qu'il a amené. Il a amené l'étincelle qui était nécessaire pour que les gens disent, bon, on commence à partir de lui, là, puis on avance. Puis tout le monde a la responsabilité d'avancer avec son esprit et non pas d'aller se caser le cul dans une petite restriction de l'âme. Là, tu sais, dire, ah, ben moi, je suis lion, puis je m'assume. Puis, tu n'as rien à assumer que de la programmation, ça. Tu peux dépasser ça bien des longueurs. Voyons donc. Okay. Mais si tu ne veux pas, tu peux te conforter là-dedans. Hein? C'est possible. Oui, possible. J'aimerais bien mieux que le monde trouve leur réponse dans leur futur en parlant. Ça, c'est ça que je voudrais. Non, pas ça que j'ai. Tu es obligé de faire des petits colis de CD que je trouve quétaine comme le sacrement. Ben, je me dis, tabarnak, imagine-toi ici. Tu prends quelqu'un qui écoute ça. Il y en a 240 Capricornes qui écoutent la même chose puis ils réussissent à se faire du théâtre personnel là-dedans. Alors qu'en réalité, tu devrais être capable de te poser des questions pour savoir qu'est-ce que moi, je vais vivre cette année. Non, on se limite à pas de trop. Combien de versos, moi, qui sont pas pareils comme moi, c'est hallucinant. Puis des programmations, il y en a des variétés hyper infinies. Puis je vous le dis, là, quand votre vibration est plus haute, ce qui est dit dans votre programmation, il faut que ça soit redit d'une autre façon, parce que votre vibration est plus haute. C'est pas vrai, c'est que tu vas avoir un accident là quand tu as la vibration haute. Tu vas le voir, l'accident, mais tu ne seras pas dedans. Parce que quand tu vibres haut, Tu n'es pas atteint. Tu en vois bien du monde conscient, toi, Christ, qui sont malades. Moi, j'en vois pas bien. Mais dans la société, là, pouf, ils se font arracher un bras, ils perdent leur fortune, ils perdent 200 000. C'est pas ça qu'un individu conscient. C'est une protection de ta conscience, Caliste. Le jour où tu commences à vibrer consciemment, t'es dans un autre monde, t'es en dehors de ta programmation. Mais en quelque part, tu veux créer ta vie. Tu veux pas la subir, hostie, pour des raisons de sécurité matérielle. Être déstabilisé dans la vie, c'est un cadeau du ciel. Il n'y a pas grand monde de créatifs, puis il y a beaucoup de gens qui dorment. Il y a beaucoup de gens qui dorment parce qu'ils acceptent d'être dans la mémoire. Okay. Ma mère m'a éduqué de même, mon père a fait ça, mon père était pauvre, m'a resté pauvre, c'était une belle vie être pauvre, on n'a pas de responsabilité. Tu sais, vous acceptez la mémoire. Vous acceptez pas de faire du changement. Il faut vouloir que ça change. Affrontez-vous. Laissez-vous vous faire affronter par des gens intelligents. Vous allez voir si ça se parque le coco en Christ. Moi, il y a juste les événements qui m'affrontent. Mais du monde là, qui ont du gabarit, là, c'est de moins en moins fréquent. Là. Je t'avoue là, que je m'ennuie de ça. Moi, là, ben, là, je me contente des événements. Ça fait un job. Mais vous autres, vous avez peur de faire face à des événements. Moi, je cours après. Là. Cours après. De toute façon, les événements, ils arrivent à toi. Mettons, faut-tu le vibre. Un événement qui t'arrive, c'est pas par hasard, là.